Le saviez-vous? Les Snapchatters ne sont pas seulement la génération la plus connectée. C'est aussi une génération qui est en train de transformer notre manière de communiquer. Non seulement la génération Snapchat crée des liens plus personnels et plus forts avec les marques, grâce à la vidéo verticale, mais elle utilise également la réalité augmentée pour découvrir et tester de nouveaux produits. Pour aller à la rencontre de cette génération Snapchat et mieux comprendre ses usages, rendez-vous sur snapchat.com/génération. snapchat.com/génération. Il y a 100 ans, était publiée à Paris la traduction française d'un texte aux origines aussi mystérieuses que son titre, « Les protocoles des sages de Sion ». Présenté comme le compte-rendu d'une réunion secrète des chefs de la communauté juive, il annonçait un plan détaillé pour mettre le monde sous leur domination. Rapidement dénoncé comme un faux, il va néanmoins circuler dans le monde entier. Avec Pierre-André Taguieff, philosophe, historien des idées et directeur de recherche au CNRS, nous retraçons le parcours du faux politico-littéraire le plus célèbre de l'histoire occidentale. C'est dans la Russie du tsar Nicolas II que tout commence. Mécanique du complotisme. Les protocoles des sages de Sion. Chapitre 1. Les faussaires du tsar. Le contexte social et politique en Russie, au cours des années 1900, est marqué par la menace d'une révolution. Nicolas II est confronté à la montée d'un certain nombre de groupes révolutionnaires, inspirés par le marxisme. Il y a également un certain nombre de groupements anarchistes, plutôt violents. Il y a donc une grande peur autour de Nicolas II, le tsar de Russie. Le peuple a fait ce rêve insensé de vouloir prendre une part au travail du gouvernement. Que tout le monde sache que je garderai les principes inaliénables de l'autocratie aussi fermement et en restant tout aussi inflexible que feu mon père, votre tsar inoubliable. En plus des groupes révolutionnaires, les cercles dirigeants russes, issus des fortunes terriennes, se sentent fragilisés par la montée de l'industrie et de la finance qui menacent de bouleverser les rapports de force économiques et politiques. Nombre de publicistes d'extrême droite critiquaient violemment le capitalisme et faisaient retomber tous les vices du capitalisme sur les juifs. Autrement dit, cet anticapitalisme était fondamentalement antisémite et inséparable d'une diabolisation des mouvements révolutionnaires supposés dirigés par les juifs. La diabolisation des juifs dans l'opinion, notamment dans ces secteurs nationalistes, s'accompagne de ce qu'il faut bien reconnaître comme des rêves d'extermination. Et c'est dans ce contexte d'angoisse révolutionnaire et de fièvre antisémite que va apparaître un texte qui semble confirmer à la fois toutes ces craintes et tous ces préjugés, les protocoles des sages de Sion. Et c'est précisément dans ce contexte qu'est publié par le mystique orthodoxe Nilus, Sergueï Alexandrovitch Nilus, fin décembre 1905, la fameuse version des protocoles qui deviendra par la suite canonique. Les protocoles se présentent comme les minutes de séance secrète. Elles sont tenues, on ne sait où ni quand, par un groupe de sages de Sion inconnus, au nombre imprécisé, qui seraient les chefs suprêmes du peuple juif. Un programme de conquête du monde est exposé cyniquement à un auditoire complice dont la composition reste elle-même indéterminée, bien qu'on sache qu'il s'agit de juifs, l'orateur étant un grand juif inconnu qui déclare « Notre mot d'ordre est la force et l'hypocrisie ». Les protocoles des sages de Sion. Chapitre 1. Seule la force peut triompher en politique. C'est pourquoi nous ne devons pas nous arrêter devant la corruption, la tromperie et la trahison, toutes les fois qu'elles peuvent nous servir à atteindre notre but. La force et l'hypocrisie sont les outils par lesquels la domination du monde va pouvoir se réaliser. Ce plan juif secret implique la destruction de la civilisation chrétienne et des monarchies traditionnelles en vue d'installer le roi d'Israël ou le roi des Juifs à la place encore jamais prise de roi ou de patriarche du monde. Et ce, par la corruption et surtout les révolutions. Chapitre 10. Il faut troubler constamment, dans tous les pays, les rapports du peuple et du gouvernement, afin de fatiguer tout le monde par la désunion, l'inimitié, la haine, et même par le martyre, la faim, l'inoculation des maladies, la misère. Si, donc, pour les sages de Sion, il faut désorganiser les vieilles sociétés, c'est en vue d'instaurer de façon définitive le super gouvernement juif mondial qui mettra un terme au soubresaut de l'histoire et fera passer celle-ci de l'âge du chaos à l'âge de l'ordre final, garant du bonheur universel. Chapitre 17. Il n'y a plus qu'un certain nombre d'années qui nous séparent de la ruine complète de la religion chrétienne. Le roi des Juifs sera ce que naguère avait été le pape. Il deviendra le patriarche universel de l'Église internationale instituée par nous. Le document peut donc être compris comme un dévoilement involontaire du dit programme. On a là le schéma classique de la littérature conspirationniste qui se présente comme une littérature de dévoilement. Dévoilement de la vérité cachée, dévoilement des secrets, etc. Pierre-André Taguieff, comment sait-on que ce texte relève de la supercherie ? Le fait que les protocoles sont un faux bien établi. Les protocoles sont un faux fabriqué sur la base du plagiat ou de la déformation de plusieurs textes de différents types. Certains relèvent du genre romanesque. On trouve évidemment aussi des pamphlets antisémites, comme celui d'Osman Bey, La conquête du monde par les Juifs, de 1873. Mais il faut souligner que le principal texte plagié par le ou les faussaires est la fiction polémique de l'avocat républicain Maurice Joly, dirigé contre Napoléon III. C'est le dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu. Ce texte est publié anonymement en 1864. C'est un traité de pensée politique. Or, cette fiction polémique de bon niveau a été transformée en pseudo-document révélateur attribué à un membre d'un groupe de conspirateurs juifs inconnus, ce qui fait des protocoles le produit d'une escroquerie intellectuelle. En fait, les protocoles sont un plagiat de plagiat. Savons-nous qui est l'auteur de ce plagiat ? Accepter de ne pas savoir, il faut avouer notre ignorance sur la question de l'auteur des protocoles. Sur les origines du faux et les motivations de ses rédacteurs ou de ses commanditaires, les hypothèses peuvent être réduites à deux. Il y a d'abord celle qui privilégie l'antilibéralisme, les protocoles étant destinés dans la perspective de la police politique secrète du tsar Loukhana, à prouver que les mesures libérales prises en Russie font partie du plan juif ou judéo-maçonnique visant les destructions de l'Empire tsariste. C'est l'hypothèse à laquelle je m'étais tenu dans mes propres travaux dans les années 90. Mais depuis, je pense qu'elle est difficile à soutenir pour des tas de raisons. En effet, une nouvelle hypothèse est apparue, avancée par l'historien allemand Michael Hagemeister. Hagemeister suppose que Loukhana n'a été pour rien dans la fabrication du faux. Il formule l'hypothèse que celui-ci aurait été le résultat du retravail complexe d'un texte écrit en Russie entre avril 1902 et août 1903 par des écrivains antisémites et réactionnaires dont l'identité reste à déterminer, et ce, en vue de discréditer le mouvement sioniste qui commençait alors à prendre de l'importance. Dans un cas comme dans l'autre, les protocoles étaient destinés à convaincre le tsar de l'imminence d'un complot organisé par les juifs. Est-ce que cela va marcher ? Il faut d'abord rappeler que Nicolas II était antisémite et qu'il était très préoccupé par l'agitation révolutionnaire. Il était donc disposé à croire à la réalité d'un complot juif contre la Sainte Russie. Je viens d'apprendre à l'instant que vous financez en ce moment de violentes attaques contre les Juifs. Je fais ce qui doit être fait. Vous les faites massacrer par centaines. Ce sont des terroristes qui jettent des bombes. Selon le témoignage, les premières réactions de Nicolas II, lorsqu'il découvre les protocoles en 1905, sont enthousiastes. J'en lis quelques éléments. Notre année 1905 semble avoir été dirigée par les sages. Il ne peut y avoir de doute sur leur authenticité. On aperçoit partout la main directrice et destructive du judaïsme. Fin de citation. L'opération de propagande semblait alors avoir réussi. Mais malgré l'enthousiasme initial du tsar, les protocoles ne vont pas, en tout cas au début, rencontrer un grand succès. La publication du document par Milhous en 1905 passe presque totalement inaperçue. Le tirage du livre est faible. Moins de 2000 exemplaires. D'autant que le ministre de l'Intérieur, Stolypine, qu'on ne pouvait soupçonner de philosémitisme, publie un entrefilet au début de 1906 où il ne cache pas sa conviction qu'il s'agit d'un faux et finit par lancer « On peut ne pas aimer les Juifs, mais ce n'est pas une raison pour être un imbécile ». Stolypine charge deux policiers politiques de faire une enquête secrète sur les origines du document. La conclusion des enquêteurs est qu'il s'agit d'un faux. Le général Globatsov rapporte ainsi la réaction de Nicolas II, je cite, « Laissez tomber les protocoles, on ne défend pas une cause pure avec des méthodes malpropres ». Fin de citation. La cause pure, c'est là, évidemment, la lutte contre les Juifs. Pourtant, en Russie, tout le monde ne va pas avoir les mêmes scrupules que le tsar. Même dans l'hypothèse où l'Okhrana n'a pas commandé, en quelque sorte, la fabrication des protocoles, l'Okhrana les a tout de même utilisés. De 1903 à la révolution d'octobre, les protocoles restent une arme idéologique dans les mains des antisémites russes, évidemment de certains policiers manipulateurs qui s'efforcent de diaboliser les réformateurs libéraux ainsi que les révolutionnaires marxistes. Malgré les efforts de l'Okhrana, les protocoles restent pendant de nombreuses années un document confidentiel. Mais un événement va changer le destin du texte. La révolution bolchévique de 1917. Le faux ne devient le principal vecteur du mythe de la conspiration juive mondiale qu'après 1917, lorsqu'il est diffusé à l'Ouest par les immigrés russes et baltes et adapté à la propagande anti-bolchévique. Le péril juif prend alors les couleurs du péril rouge avec le meurtre de la famille impériale le 17 juillet 1918, dénoncé par les antisémites comme un crime rituel commis par les bolcheviks juifs. Nicolas Alexandrovitch, Alexandra Fedorovna, Alexis Nikolaevitch, Olga Nikolaevna, Maria Nikolaevna, Tatiana Nikolaevna et Anastasia Nikolaevna, le comité soviet régional de l'Oural vous a condamné à mort. Vous avez tous été condamnés à mourir. La révolution bolchevique a favorisé, à partir de 1920, la diffusion des mondiales des protocoles qui fournissait un modèle d'interprétation de ces événements aussi troublants qu'incompréhensibles. Cette révolution n'était qu'une étape dans la conquête du monde par les Juifs. C'est le message qu'essayent de faire passer les antisémites à l'époque. Le faux commence son tour du monde au tout début de 1920, avec ses premières traductions en allemand, en polonais et en anglais, suivies par des traductions en français et en hongrois, en italien et en serbe, japonais, en espagnol, en arabe, grec, portugais, flamand, etc. Le tour du monde des protocoles commence. Un journal de référence va y participer. Quotidien le plus respecté d'Angleterre, le Times fait sa une sur les protocoles. Le Times de Londres a joué un rôle très important par son éditorial daté du 8 mai 1920, qui a pour ainsi dire opéré le lancement mondial du document. Le très sérieux Times commente le document troublant en multipliant les questions rhétoriques. Le Times, 8 mai 1920. Le problème mondial soulevé par les protocoles ne peut manquer non seulement d'intéresser, mais de préoccuper. Certaines caractéristiques du programme juif ressemblent étrangement à des situations et à des événements qui se développent actuellement sous nos yeux. Qu'est-ce que ces protocoles ? Sont-ils authentiques ? Cet éditorial, évidemment, a beaucoup marqué les esprits et a convaincu la majorité des observateurs de l'époque que les protocoles étaient un document authentique. Pourtant, quelques mois après avoir fait sa une sur les révélations des protocoles, le même Times publie une enquête qui prouve la falsification. Dans trois articles parus du 16 au 18 août 1921, un journaliste du Times de Londres, Philip Graves, a démontré que ce texte était en grande partie le produit d'un plagiat. Si l'on se penche sur le texte des protocoles et si l'on compare avec celui des dialogues aux enfers, on est frappé par l'absence de tout effort de la part du plagiaire pour dissimuler ces plagiats. La paraphrase a été très négligente. Des parties de phrases, voire parfois des phrases entières, sont identiques. En dépit de l'établissement de son caractère de plagiat, le document supposé révélateur a continué de circuler jusqu'à devenir, au cours des années 1930, un best-seller planétaire indéfiniment recyclé par la suite. En 1939, Henri Rollin notait qu'on pouvait considérer les protocoles comme l'ouvrage le plus répandu dans le monde, après la Bible, ce qui n'est pas rien. Malgré la preuve irréfutable de leur fausseté, des millions de personnes à travers le monde achètent un exemplaire des protocoles. Parmi eux, deux lecteurs attentifs, le plus grand industriel américain de l'époque et un jeune agitateur d'extrême droite autrichien, Henry Ford et Adolf Hitler. Mécanique du complotisme. Les protocoles des sages de Sion. Un podcast de Roman Bronstein et Alexandre Manzanares.